commentaire, je pourrais faire bien plus. Attitude austère, hostile me dire qui je suis. Moi je suis à l'aise comme guap en short de box style. C'est pas le bon format donc on le change. Moi c'est ton aura que je veux sentir. On va s'en tirer, t'inquiète pas. Au moins on aura kiffé nos lives. C'est pas le cas de plein de gars qui se disent réussir. Bon, ça m'aide quand même d'écrire 2-3 couplets. Eh, hey, on peut rien louper, nous. Ça me fait de la peine, nous, quand je pense qu'on est très bon. Yeah. On va pas, t'es bon, démonte la prod comme Denzel. T'es foufou, plein de zèle, attaché par son image, tu n'es qu'un grain de sel. J'aime bien, tu t'inspires, eh, hey, pas quand tu copies. Lions en joli, mine-moi, piquera ta copine. Hey, hey, hey. Qu'elle voudrait qu'on la prenne sur la table dans sa chambre ou même si quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Je suis sûr que mon équipe est plus forte que la vôtre parce qu'on s'y connaît en musique et vous bah on vous connaît même pas. Si t'écoutes ce qu'on fait que tu nous sommes, on s'en bat les couilles, on sait très bien que tu nous comprends même pas. Essaie jamais de nous éloigner, on est des G, des vrais et tous bah on marche du même pas. Je me sens trop comme si je prenais crélique, espèce de falafel, c'est sûr, il y aura pas de putain de mange 3. Jamais tout qu'à vous de salopes dans nos rangs, on évite toutes sortes de cheval de 3. Hey. Je suis sûr qu'elle voudrait qu'on la baisse tous. Je suis sûr qu'elle voudrait qu'on la baisse tous. Je suis sûr qu'elle voudrait qu'on la baisse tous. Je suis sûr qu'elle voudrait qu'on la baisse tous. Ah, ah, ah. Faut moi questa couche. Sempre fa le bere plus. Dans la colline de questo. Il tasche va da darci per il. Sono il nuovo figlio e sei no. Le prende la tua botte non è uguale. Viva la mia vita per davvero. Non tiro uno schermo. Se parti con me, viaggia nel tempo. Riparti con me, viaggia nel tempo. E la tua tipa con me, viaggia nel tempo. La tua vita con me, viaggia nel tempo. La tua ragazza, non smette di chiamare? Da quando mi ha visto? Non smette di chiamare? No. Da quando mi ha visto? Non ha smesso di chiamare? Da quando mi ha visto? È Jolly che arriva con la coca. In giro con le tasche piene di roba. La prendo dal collo, la mando in foga. Lo fa Sharapova. Come sta droga? Controlla il tempo e ritorna. Tu ti fai mille domande e ti chiedi come mai non funziona. Ehi, wow, ehi, flexo. Anche quando non ho un euro. La testa lui si bagna intero. Lo sto facendo per davvero. Ehi, wow.